Yeah. Hey, tu sais quoi, des fois, faut se la jouer. Tranquille. Aujourd'hui, je me sens frais, même si j'ai pas beaucoup dormi. Je sens que je vais kiffer la vie. Envie d'être vrai, envie d'être moi, envie d'être entier. Envie de me déhancher sur un rythme entier. Hey, tu sais quoi, je te le dis direct. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de me prendre la tête. On travaille beaucoup trop sur les 12 mois. On se lève bien trop tôt, je vais me la couler 12 mois. Je veux jouer avec toi. Au temps libre, c'est un honneur de me lever avec toi. De vos têtes libres, qu'être millionnaire. Je veux jouer avec toi. Au temps libre, c'est un honneur de me lever avec toi. Mieux vaut être libre qu'être millionnaire. Pourquoi quand on veut s'enlever tout ce qui est contraignant, c'est souvent synonyme avec feignant. Mais moi je vous le dis, ce n'est pas de la feignantise. C'est plutôt de la gourmandise. Je kiffe la vie, je vais la croquer comme un Paris-Brest. Comme un soir d'ivresse, je fais le pari que je resterai toujours près de toi. Temps libre, t'es tout pour moi. Tu vaux tous les pourboires, tu m'attires comme un trou noir. Je veux jouer avec toi. Au temps libre, c'est un honneur de me lever avec toi. Mieux vaut être libre qu'être millionnaire. Je veux jouer avec toi. Au temps libre, c'est un honneur de me lever avec toi. Mieux vaut être libre qu'être millionnaire. Tellement de choses à faire quand on n'a rien à faire. Avoir du temps libre, ce n'est pas une mince affaire. Tellement de collines et de montagnes que j'aimerais sillonner. S'ennuyer, on ne connaît pas quand on est passionné. Tellement de mélodies que je siffle tout le temps. Ma liberté peut se réveiller n'importe quand elle a volcan. En mode avion pour que personne puisse me déranger. Je monte le son et je danse avec mon ange. Je vous le dis, ma vie ne tourne pas autour du rendement. Je profite de l'instant, faire sortir du rendement. Je veux bien travailler, je veux bien cotiser. Mais je ne veux pas finir dépressif à trottiser. Je veux jouer avec toi. Au temps libre, c'est un honneur de me lever avec toi. Mieux vaut être libre qu'être millionnaire. Je veux jouer